4. La tête en vrac, le cœur chiffonné et l'estomac à l'envers, je suis allé retrouver Benjamin qui m'attendait, 3 rues plus loin, en pianotant sur son volant. Ça va? A-t-il demandé. Vous avez une drôle de tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre à Saltonsea ou on reste ici? J'avoue que je ne suis pas chaud pour retourner au manoir. Il n'a pas eu le temps d'en dire plus. Deux voitures se sont brusquement arrêtées à notre hauteur, nous bloquant contre le trottoir. Finchcolder est descendu de la première. Un type au crâne rasé conduisait la seconde. J'ai reconnu en lui l'un des passagers de l'hélicoptère noir qui avait évacué les dépouilles des fils de la hyène. Finch s'est penché pour m'adresser un clin d'œil par la vitre latérale du Humvee. Bon, a-t-il lâché, on arrête de déconner. Il est temps que je prenne les choses en main. Je ne viens pas en ennemi. Je suis là pour assurer votre sécurité. Vous avez conscience, je pense, qu'en retournant à Saltonsea, vous vous jetez dans la gueule du loup. Sawana est décidée à vous liquider. Vous lui avez échappé une fois. Le miracle ne se reproduira pas. Je me suis raidie. Mon père m'avait toujours mise en garde contre les gens bien intentionnés qui affirment vouloir vous mettre en sécurité. Finch l'a senti, car il s'est empressé d'ajouter. C'est un peu comme si vous veniez d'être admis à bénéficier du programme de protection des témoins. Mes amis et moi sommes vos anges gardiens. Vous allez gentiment nous suivre jusqu'à une planque où vous serez hors de portée de Sawana et de son homme de main, Gary Foxon. Et cela jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Désormais, aucun doute n'était plus permis. Finch et ses acolytes travaillaient bien pour le sénateur X qui poursuivait Sawana de sa haine depuis l'assassinat de Natalia Welt. Et, a mollement protesté Benjamin, je n'ai rien à voir là-dedans, je ne suis qu'éditeur. J'étais là pour surveiller la remise en état de cette foutue baraque. C'était une mauvaise idée, a ricané Finch. Tu vas gentiment démarrer ta caisse de frimeur et nous suivre. Que cela te serve de leçon. À l'avenir, essaie de publier autre chose que les bouquins d'une folle criminelle. Des histoires de gentils lapins ou de canards rigolos, par exemple. Ou encore ces grosses foutaises magiques dont on nous rabat les oreilles. Là, il y a du fric à se faire. Il s'est écarté pour regagner son véhicule. Une vilaine idée m'a traversé la cervelle. Ma mère l'avait-elle prévenue de notre rendez-vous? Sinon, comment aurait-il su que nous serions précisément là, à cette adresse, aujourd'hui? On ne pouvait toutefois écarter l'hypothèse qu'il ait placé un mouchard sur le Humvee de Benjamin. En tant qu'agent d'un service parallèle, il disposait d'une technologie échappant au commun des mortels. Quelle merde, a grommelé Ben en manœuvrant pour se couler dans le sillage de la voiture de Finch. Mon intuition m'a soufflé qu'il me rendait responsable de ses malheurs et m'aurait volontiers éjecté de son véhicule à coups de pied. Le second SUV est venu aussitôt nous coller au pare-choc, au cas où nous aurions tenté d'amorcer une volte-face. Je pensais que nous allions emménager quelque part en ville, mais Calder a tourné le dos à Palm Springs pour prendre la route du désert. Il roulait vite, tandis qu'à travers la vitre latérale défilait un paysage de plus en plus désolé que dominaient d'immenses éoliennes vrombissantes. Au bout d'une demi-heure, il a bifurqué sur la gauche, quittant la route principale pour s'engager sur une piste cimentée au revêtement sillonné de crevasses. Un panneau en tôle cabossée annonçait « Voie privée, circulation interdite aux véhicules non autorisés, forage minier en cours, danger d'explosion. » De la pure foutaise à tous les coups. J'ai repéré çà et là quelques baraquements et hangars à l'abandon, ainsi que 3 derricks datant de l'extinction des dinosaures. J'ai pensé que les puits de mine constituaient des tombes idéales pour qui souhaitait se débarrasser d'un cadavre encombrant. notre petit convoi s'élançait à l'assaut d'une colline, au sommet de laquelle trônait un bungalow défraîchi qui, en des temps lointains, avait abrité les bureaux de la direction et les ateliers d'études. Finch se garait sur l'ancien parking où un autre véhicule attendait déjà, une AMC Matador des années 80. Nous avions donc affaire à un collectionneur. Nous avons imité Calder. Le type qui nous collait au train a fait de même. La porte du bâtiment s'est ouverte. Un homme s'est avancé, un doux appont Mossberg au creux du coude. Encore une fois, j'ai reconnu un membre de l'équipe héliportée qui s'était chargé d'emporter les corps des pauvres fans assassinés. « Tout le monde descend, » a ordonné Finch. « Terminus. » Le vent de poussière m'a giflé. Le paysage de la mine abandonnée était désespérant. Les bourrasques, sifflant dans les interstices des tôles, produisaient des ululements du plus mauvais effet. « D'ici, » a commenté Calder, « on peut voir l'ennemi de loin. Vous serez en sécurité. C'est une ancienne planque du service. » L'avantage de l'endroit, évidemment, c'est qu'on pouvait y torturer quelqu'un sans que ses cris n'alertent le voisinage, sauf les coyotes qui ne manqueraient pas d'y répondre en hurlant à la lune. Je me suis étonné en constatant que l'équipe de surveillance ne comptait que 3 membres, Finch, Calder et ses 2 copains. Cela me semblait bien maigre. Un service officiel n'aurait pas hésité à dépêcher une escadre armée jusqu'aux dents. Fallait-il y voir Anguille sous roche? J'ai soudain eu la conviction que Finch et ses potes n'étaient pas en service commandé et que, s'ils faisaient des heures supplémentaires, c'était à leur seul profit. « On vous a préparé des chambres séparées à lancer Calder. Mais si une seule vous suffit, faites à votre guise. Nous ne sommes pas là pour défendre la morale. » Son ton goguenard visait à nous rassurer. Nous sommes entrés dans le bâtiment, tandis que les 2 acolytes restaient à l'extérieur, l'arme à la bretelle, l'œil rivé sur la ligne d'horizon. Un couloir central assurait la circulation entre des bureaux encombrés d'un matériel vieillot couvert de poussière, machine à écrire ou à calculer des années 50. Des plaques de contreplaqué obturaient toutes les fenêtres. Un groupe électrogène fournissait l'éclairage. Des lits de camp avaient été dressés dans des bureaux contigus. Une longue table à tréteaux supportait un assortiment de conserves, réchauds, thermos et cartons de nourriture. On avait également prévu un éclairage de secours sous la forme d'une 12 douzaine de torches électriques Maglit du modèle en usage dans la police. 10 jerrycans d'eau potable de 20 litres chacun attendaient, alignés contre un mur. Finch Calder s'apprêtait à soutenir un siège. Tandis que je m'asseyais sur l'un des lits de camp, il a allumé un petit cigare avec l'éternel zippo des mecs qui tiennent à montrer qu'ils sont des vétérans. J'ai senti que la nuit risquait encore une fois d'être longue. « Merde !» a déclaré Benjamin. « Moi, j'en ai plein le cul. Je me couche et je dors. Vos histoires ne me regardent pas et je ne veux rien savoir. Salut !» Et nous plantant là, il est parti s'étendre dans le bureau voisin dont il a ostensiblement claqué la porte. Finch, lui, n'a pas bougé d'un poil et continue à tirer sur son étron puant en me couvrant d'un œil inexpressif. « Bon, ai-je soupiré, arrêtez de me baratiner. Vous n'êtes pas ici sur ordre du sénateur, n'est-ce pas? Ce job, c'est du travail au noir. » Il a ricané. « On m'avait dit que vous étiez une petite maline. Ça se confirme. Effectivement, je suis retraitée et mes 2 copains le seront bientôt eux aussi. Mais ni eux ni moi ne jugeons suffisante la pension que nous accordera le gouvernement après une vie passée à prendre des risques insensés pour réparer les conneries de nos dirigeants. Nous estimons mériter une rallonge. » « Oh, je vois, ai-je soufflé, on en revient au fameux magot de Sawana Warlock. affirmatif. L'idée nous en est venue lorsque le sénateur nous a ordonné de capturer cette cinglée et de la soumettre au deuxième degré pour lui tirer les vers du nez. Ce brave homme était amoureux de Natalia Welt. Red dingue serait plus exact. Je sais, ça paraît débile de prendre de pareils risques à son niveau, mais ce sont des choses qui arrivent aux plus puissants d'entre nous, et c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. La faille irrationnelle, le grain de sable imprévu. Ces mecs ont besoin de décompresser. Alors, quand ils tombent sur la partenaire de fantasme idéal, quoi qu'il en soit, l'assassinat de cette cold girl l'a frappé de plein fouet. Il a mis des années à s'en remettre. L'enquête officielle n'a rien donné. L'enquête officieuse non plus. Je suis bien placée pour le savoir puisque j'en étais chargée. Cela m'a valu une mauvaise note dans mon dossier. Le coup avait été monté à la perfection. Le meurtrier n'avait laissé aucun indice. Les voisins n'avaient rien remarqué de suspect. La police a conclu à une vengeance de clients mécontents. Comme on craignait que le nom du sénateur finisse par sortir au grand jour, on a préféré enterrer l'affaire. Mais le bougre ne l'a jamais digéré, et ça a continué à le ronger en secret. J'imagine, jusqu'au jour où quelqu'un lui a offert un exemplaire rarissime d'un roman non distribué de Sawana Warlock, Dernière Alarme. Oui, ce qu'il y a d'ironique dans cette histoire, c'est que Natalia était une fan de Sawana et qu'elle avait transmis le virus à mon patron qui possède toute la collection des bouquins de cette tarée. Pourquoi pas, me direz-vous? Le président Kennedy se délectait bien des aventures de James Bond. Ce roman, Dernière Alarme, avait une histoire curieuse. Il avait été pilonné sur ordre de l'auteur juste avant d'être mis en librairie, et seuls quelques exemplaires avaient échappé au massacre. Quelques exemplaires que les fans s'arrachaient à prix d'or. C'est pourquoi un lèche-cul du ministère a cru malin de s'en procurer un pour l'offrir à notre patron. Je connais l'histoire, ai-je lancé. En examinant l'illustration de couverture, il a trouvé une date. La date du meurtre. Ouais, et ça a relancé la machine. D'autant plus que le roman racontait en détail l'assassinat d'une femme étranglée avec une cordelette rouge dans un décor qui évoquait trop fidèlement l'appartement de Natalia. Il n'y avait pas vraiment de scénario. C'était plutôt un compte-rendu assez glauque. En lisant ça, le sénateur a conclu que Sawana Warlock était mouillée dans ce crime et qu'elle tenait ces détails de l'assassin lui-même. Sans doute s'était-il confié à elle dans l'espoir de devenir célèbre. Le sénateur a, un moment, envisagé de faire arrêter officiellement Sawana pour complicité d'assassinat. Puis il a réalisé qu'elle mettrait un point d'honneur à ne pas trahir sa source et ferait un foin du diable. Comme elle était connue, la presse la soutiendrait. L'affaire prendrait une ampleur nationale. Ce n'était pas souhaitable. Alors il a décidé d'agir dans l'ombre. Il nous a ordonné de l'enlever et de la faire parler. Vous l'avez torturée? Non, pas au sens où vous l'entendez. De nos jours, on ne frappe plus les gens. On dispose de moyens chimiques plus efficaces. Les dérivés du thiopatotal sodique ainsi que tous les inducteurs d'anesthésie générale donnent d'assez bons résultats chez les sujets qui n'ont pas été entraînés à y résister. Hélas, dans le cas qui nous occupe, ça a été tout le contraire. Nous ne nous doutions pas que cette bonne femme déraillait. La drogue l'a fait disjoncter, comme ces types que l'acide lysergique rendait incurablement barjou. Elle s'est mise à raconter des histoires invraisemblables de jardins cachés où des enfants loups se dévoraient entre eux. Elle parlait de surhommes venus du futur et qu'il fallait adorer comme des dieux. Ça n'avait aucun sens. Alors, on a augmenté les doses. On voulait juste qu'elle nous livre le nom de sa source. Elle est tombée en syncope. Le médecin qui nous assistait a déclaré qu'elle était en train de claquer d'une crise cardiaque et qu'elle était perdue si on ne la transportait pas d'urgence à l'hôpital. C'était hors de question. On l'a chargé dans la camionnette pour l'enterrer dans le désert. Il faisait nuit. On craignait que la lumière des torches alerte les rangers. On a fait vite. Vous l'avez enterrée vivante? Oui, elle n'était plus consciente. Ça ne faisait pas une grosse différence. On ne pouvait pas prévoir qu'elle survivrait à l'infarctus et qu'elle sortirait toute seule de sa tombe quelques heures plus tard. Les rangers l'ont récupérée, errant sur la route, à moitié amnésique. Je sais. Le sénateur n'a pas apprécié. L'affaire prenait mauvaise tournure. Il a eu peur du scandale et nous a ordonné de laisser tomber. Dans ce pays, dès qu'on porte atteinte à la protection des sources journalistiques, c'est pire que si on tentait d'assassiner le président. On m'a accusé d'avoir saboté la mission. J'ai écopé d'une mise à la retraite anticipée. Je me suis reconvertie dans la police municipale. C'est là, en écoutant radoter mes collègues autour de la machine à café, que j'ai appris la disparition de Sawana et de son trésor. Ça vous a donné des idées? Évidemment. Du coup, j'ai démissionné pour m'installer à Salton Sea, à proximité du manoir, dans l'espoir d'en apprendre un peu plus. J'espérais faire ami-ami avec Gary, mais ça n'a pas marché. Le mec est impénétrable, limite autiste. Je l'ai surveillé des mois durant pour essayer de savoir si Sawana se cachait quelque part avec son trésor et s'il la ravitaillait en douce. Il m'a toujours semé. Et où croyez-vous qu'elle soit? Dans le désert d'Anza-Borrego, quelque part dans le labyrinthe des Slot Canyon. Mais autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Sans une carte, c'est foutu d'avance. C'est truffé de grottes, de cavernes non répertoriées. Et si l'on y passe trop de temps, on finit par éveiller la méfiance des rangers. Ce n'est pas pour notre protection que vous nous avez amenés ici, n'est-ce pas? Non, vous allez servir d'appât. Vous savez trop de choses, et tant que vous représenterez une menace pour Sawana, Gary n'aura qu'une idée en tête, vous tuer. Il a déjà essayé, en vain. Il va recommencer. Nous allons nous arranger pour lui faire savoir que vous êtes ici. Il va venir, nous lui tomberons dessus et lui injecterons assez de pain total pour qu'il nous balance tout ce qu'il sait. Vous voulez lui faire dire qui a assassiné Nathalie Welt? Foutre non, je m'en balance de cette nana. Je veux savoir où se cachent Sawana et son trésor. C'est tout. Gary est bâti à chaud et à sable. Il ne risque pas de nous faire une crise cardiaque, lui. Je me suis livrée à une estimation du fric dont Sawana est encore potentiellement détentrice. J'ai tout calculé avec l'aide d'un collègue de la brigade financière et de l'IRS. Nous sommes parvenus à la somme globale de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars dont on n'a trouvé aucune trace lorsque les hommes de loi ont dû liquider sa succession. Rien en banque. Un coffre-fort vide. Pas de placement financier. Pas d'action. Zéro bon du trésor. Que dalle. Elle vivait comme une clocharde dans sa baraque délabrée. Ce n'est pas un scoop. La rumeur prétend qu'elle planquait son fric ici et là, de peur d'être dépouillée par les voleurs ou les banquiers. Mais qu'elle oubliait ensuite l'emplacement des cachettes. Je sais, le fameux syndrome de l'écureuil. Je n'y crois pas une seconde. Juste un écran de fumée pour décourager ceux qui auraient été tentés de s'y intéresser de trop près. Naïve, j'ai demandé. Quel volume ça représente 1 million de dollars? C'est pas si terrible qu'on l'imagine. Surtout si c'est en liasse de Benjis dont le billet pèse moins d'un gramme. En tout, il faut compter 10 kilos. Ça tient facilement dans une valise de taille moyenne ou un sac de sport, en 2 rangées de 60 centimètres ou 4 de 30. Pas besoin d'être un Hercule de foire pour transporter ça. Une tôle malmenée par le vent a claqué quelque part, faisant sursauter Calder. À la pâleur subite de son visage, j'ai deviné qu'en dépit de ses fanfaronnades, il avait peur de Gary. Il est peut-être déjà là, ai-je glissé avec perfidie. Qui? Gary Foxon? Vous n'avez pas envisagé qu'il pouvait vous prendre en filature? C'est un ancien biker. À ce qu'on m'a dit, il avait l'habitude de faire du motocross dans le désert. Hansa Borrego n'a pas de secret pour lui. Il connaît peut-être cette planque depuis longtemps. Comment aurait-il pu savoir? Par Sawana? Je suppose que c'est ici que vous l'avez interrogé, la fameuse nuit où elle a fait sa crise cardiaque. Oui. Elle aussi connaît très bien la région. Elle n'a eu aucun mal à identifier les lieux. Je suppose qu'il n'y a pas 36 entreprises abandonnées dans le coin. Gary sait donc qu'elle vous sert de point de chute. Je ne serais pas étonné qu'il vous ait précédé, vous et vos gars. D'un geste nerveux, Finch m'a signifié de la fermer, puis il a plongé la main sous son blouson pour en tirer un Glock 26 Gen 4. Il a actionné rapidement la culasse pour faire monter une cartouche dans la chambre de tir. Ces traits avaient perdu leur bonhomie habituelle. Les panneaux de contreplaqué obturant les fenêtres rendaient le bâtiment aveugle. Finch s'est approché de la table à tréteau pour y prendre un talkie-walkie. « Nat, a-t-il lancé, tout est OK? Et toi, Yank ?» Les deux sbires assurant la surveillance du bâtiment ont nasillé une réponse affirmative. J'ai pensé à Gary, l'ancien enfant loup, l'unique survivant du jardin d'hiver qui avait appris à tuer dès son plus jeune âge. Finch et ses copains, vieux, trop vieux routiers des polices parallèles, étaient-ils encore capables de l'affronter? Rien de moins sûr. Je me suis redressé. Du coin de l'œil, j'ai inventorié le contenu de la pièce à la recherche d'une arme de remplacement. Vous devriez prévenir vos amis que Gary dispose d'un fusil de vétérinaire tirant des fléchettes soporifiques, ai-je murmuré. Avec ce truc, il n'aura même pas besoin d'aller au contact pour les neutraliser. Un fusil à fléchettes? Oui, il l'a utilisé sur moi avant de tenter de me noyer dans le lac. Je m'en suis sorti par miracle. Vous n'êtes pas assez nombreux pour le stopper, c'est un prédateur né. C'est lui qui a tué Natalia Welt, et probablement les gamins du club de la Hyène. Il liquide systématiquement tous ceux qui pourraient porter préjudice à Sawana. S'il est ici, ce que je crois, il va nous tuer, tous, avant de balancer nos cadavres dans un puits de mine désaffectée. Là, ferme, a grondé Finch, restez tranquille, je vais vérifier que toutes les issues sont bouclées. Il a tourné les talons et s'est engouffré dans le couloir. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil dans les pièces annexes. L'une d'elles abritait un fauteuil du dentiste auquel on avait ajouté des sangles, de manière à y ligoter un patient peu disposé à collaborer. Sur une table roulante en acier chromé trônait un plateau de seringues et de flacons qui ne me disaient rien de bon. C'était donc là que Sawana avait été interrogée. Jadis. Je me suis demandé ce qui se passerait si j'utilisais ces drogues pour neutraliser nos gardiens. En admettant que j'y parvienne, ce qui n'était nullement assuré, cela nous avancerait-il à quelque chose? J'avais la quasi-certitude que Gary était d'ores et déjà embusqué à l'extérieur et je ne me sentais pas de taille à l'affronter. Sortir du bâtiment, c'était se jeter dans la gueule du loup. Il m'apparaissait comme de plus en plus évident que Finch et ses acolytes avaient surestimé leur puissance de feu. Gary n'était pas un assassin ordinaire, mais un animal capable de se fondre dans le décor, un prédateur doué de mimétisme. À tout hasard, je me suis livré à une fouille rapide des meubles m'entourant. Dans un tiroir rempli d'instruments chirurgicaux, j'ai déniché un scalpel. Je l'ai entouré dans une compresse avant de le glisser dans ma ceinture, en essayant de ne pas m'entailler la hanche. La sensation d'une présence dans mon dos m'a fait sursauter. Benjamin se tenait sur le seuil, ne cachant pas son inquiétude. « C'est quoi cette merde » a-t-il lancé ? « On est vraiment en danger ? On ne ferait pas mieux de se tirer ?»« Vous avez vu ces types » ai-je soupiré. « Ils ne nous laisseront jamais filer. » De toute manière, le danger est encore plus grand à l'extérieur. Je n'ai pas jugé utile de préciser que Finch et ses copains, si par miracle ils réussissaient à neutraliser Gary et à lui extorquer les renseignements souhaités, nous liquideraient sans plus attendre. Nous étions en quelque sorte pris entre le marteau et l'enclume. Bref, tout le monde voulait notre mort, et pour résumer l'équation en termes scientifiques, nous étions dans une mer de noir. Nous sommes restés silencieux face à face, tandis que du fond du baraquement, nous provenait le bruit des portes que Calder secouait pour s'assurer qu'elles étaient verrouillées. J'ai été assailli par une soudaine envie incongrue de café noir, brûlant et bien sucré. Au moment où je me tournais vers la table supportant les provisions, je me suis figé en songeant que les boissons contenues dans les thermos pouvaient fort bien avoir été droguées. Après tout, Finch n'avait nul besoin de nous maintenir en état de veille. « Ne mangez rien, ne buvez rien, » ai-je soufflé. « Tous ces trucs contiennent sûrement des somnifères, une manière comme une autre de nous faire tenir tranquilles. »« Qu'est-ce qu'on fait alors ?»« On attend de voir comment ça va tourner. Il faudra savoir profiter de la moindre occasion. » Il a sorti son téléphone portable en grimaçant et grogné. « On ne peut même pas appeler les flics, j'ai essayé. Aucun réseau, alors que d'habitude ça marche. J'y pige rien. » Inutile d'insister, ils ont un brouilleur. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas confisqué les cellulaires. Ce sont des professionnels du renseignement. Il faut se tenir prêt au pire. Tout va se jouer cette nuit. Il a hoché la tête, mais j'ai bien vu qu'il avait du mal à réaliser. Certes, cela devait le changer de ces petites fiestas où la grande aventure de la soirée consistait à sniffer de la coke en se servant d'un billet de $100 comme d'une paille. J'ai regagné le dortoir en essayant de mémoriser la géographie des couloirs. J'ai également repéré les bureaux où je pourrais éventuellement me fournir en projectile. Une machine à écrire en pleine tête, ça fait mal. Des sièges métalliques, brandis à l'horizontale, pouvaient également tenir un adversaire en respect. Puis, les yeux fermés, j'ai de nouveau accompli le même trajet, au cas où la lumière serait coupée, me contraignant à agir dans l'obscurité. Mon père m'avait préparé à affronter des situations de ce type. Par ailleurs, la méthode avait l'avantage de juguler la panique qui montait en moi. Quand j'ai estimé que j'étais à peu près au point, je me suis étendue sur le lit de camp pour me reposer, non sans avoir au préalable récupéré l'une des torches électriques alignées sur la table à tréteaux. Inutile de piétiner. Je devais au contraire épargner mes forces en prévision des épreuves à venir. J'ai conseillé à Ben de m'imiter. Ça a eu l'air de l'agacer. J'étais trop énervée pour céder au sommeil, et les heures m'ont paru longues. Finch Calder ne cessait d'aller et venir à l'intérieur du bâtiment. À intervalles réguliers, je l'entendais appeler ses coéquipiers au moyen du talkie-walkie. Jusque-là, tout se passait bien, mais je savais qu'à un moment ou un autre, ses appels resteraient sans réponse. Il ne pouvait en aller autrement, car Gary nous avait précédés. Soit il m'avait entendu demander à Benjamin où se trouvait la cantina Soledad, soit il avait vu Finch nous prendre en filature quand nous avions mis le cap sur Palm Springs. Dans les deux cas, il avait compris que quelque chose se préparait et décidé d'en profiter. Tourneboulée par les révélations de ma mère, je ne m'étais pas montrée assez prudente. J'avais commis une erreur. Mon implication personnelle dans cette histoire m'avait empêché de garder la tête froide et j'avais commis boulette sur boulette. Je n'avais carrément pas été à la hauteur. Et, en ce moment, j'en payais le prix. On approchait des 2 heures du matin quand j'ai entendu Finch s'énerver dans son micro et appeler vainement le dénommé Yank. J'ai pensé, c'est parti. Je me suis redressée. J'ai sorti le scalpel de ma ceinture, empoigné de l'autre main la torche électrique, puis gagné l'un des bureaux attenants où téléphone, machine à écrire et à calculer, lampe et massicot constituait autant d'instruments contondants pouvant s'avérer utiles. Là, j'ai attendu. Nat, Yank, répétait à présent Finch d'une voix mal assurée. « Merde, répondez !» Il s'égosillait inutilement. J'aurais parié mon oreille droite que ses copains étaient déjà morts. Là où Gary a fait preuve d'une grande habileté, c'est qu'il a attendu encore une heure avant de défoncer la porte principale en utilisant comme bélier l'une des voitures garées sur le parking. Puis, une demi-heure après, il a récidivé du côté sud. La troisième voiture, il l'a encastrée dans la face nord. Désormais, le bâtiment était aussi béant qu'un centre commercial et le vent s'y est engouffré, soufflant des kilos de poussière dans les bureaux. J'ai su qu'il était tout près quand le groupe électrogène s'est arrêté et que l'obscurité nous est tombée dessus. Là, Finch a perdu son sang-froid. Probable qu'il se faisait trop vieux pour ce genre de boulot. Il a commencé à hurler des injures « Montre-toi, salopard, je vais te crever » et autres conneries du même tonneau. J'ai eu envie de lui rappeler que s'il tuait Gary, il ne saurait jamais où était dissimulé le trésor de Sawana. Mais était-il encore en état d'assimiler l'information? Pas sûr. Tout à coup, des coups de feu ont éclaté. Je me suis aussitôt accroupi derrière le bureau métallique pour éviter de me ramasser une balle perdue. Finch arrosait au hasard, faisant dégringoler en cascade les vitres de séparation des bureaux. Un projectile de 9 mm est passé en miaulant au-dessus de ma tête. J'ai serré les dents. Gary avait l'avantage. Les ténèbres lui allaient comme un gant. Le jardin d'hiver l'avait formé aux techniques d'embuscade et de corps à corps. Il allait laisser son adversaire épuiser ses munitions avant de passer à l'attaque. Probablement le tuerait-il à main nue ou à la rigueur à l'arme blanche. Mais il n'utiliserait aucun des fusils ou revolvers qu'il aurait pu récupérer sur Yank ou Nat. Ce n'était pas son style. Ensuite, de nouveaux coups de feu retentissent encore et encore, jusqu'à ce que j'entende le bruit reconnaissable entre tous du percuteur qui claque à vide. Le silence ne dure pas. Des bruits de lutte y succèdent, des halètements, des grognements. Le combat n'excède pas 3 minutes, mais suggère une gesticulation confuse, des coups de pied expédiés dans les minces cloisons des bureaux et qui résonnent dans tout le bâtiment. Puis, de nouveau, le silence. Je me ramasse sur moi-même. Le scalpel dans la main droite, la lampe torche dans la gauche. Si la maglite est si appréciée des flics de rue, c'est qu'elle peut éventuellement servir de massue et que sa lumière éclatante aveugle les agresseurs. J'attends, essayant de ne pas trahir ma position en respirant trop fort. 5 minutes s'écoulent. J'espère que ce crétin de Benjamin ne va pas se mettre à brailler et à déambuler dans les couloirs en tâtonnant pour trouver son chemin. Je perçois un frottement, un raclement qu'accompagnent des gémissements retenus. L'odeur du sang me saute aux narines. Ça vient dans ma direction. C'est tout proche. N'y tenant plus, j'allume la lampe. Le faisceau tombe direct sur Gary. Il se traîne sur le sol en laissant derrière lui un sillage rouge vif. Alors que je m'approche prudemment, il roule sur le dos. Il a pris une balle dans la poitrine. Il saigne énormément. Le poumon est touché. Une mousse sanglante déborde de ses lèvres. Avant que je puisse reculer, il lance son énorme main et m'attrape par le col de ma chemise. « Sawana, bredouille-t-il, ne la laissez pas mourir de faim. » « Occupez-vous d'elle. Vous pourrez prendre l'argent si vous voulez. Elle s'en fiche, ça ne l'intéresse plus depuis longtemps. Mais ne la laissez pas. » Avec stupeur, je m'aperçois que des larmes tracent des sillons dans la poussière qui macule ses joues. Il sanglote. « Sawana, répète-t-il, elle n'est plus capable de se débrouiller toute seule. C'est comme une enfant. Prenez l'argent en guise de compensation. » Mais ne la laissez pas. D'accord, fais-je pour le calmer? Mais où est-elle? Gary ferme les yeux, et l'espace d'une seconde, je crois qu'il est mort. Mais il se reprend et, dans un souffle, murmure « Le Winnebago, au fond, la chambre cachée. Vous trouverez. » Puis sa tête heurte le sol avec un bruit sourd. C'est fini. Le claquement des projecteurs sur pied me fait tressaillir. La lumière revient, aveuglante. Benjamin a redémarré le groupe électrogène. Je l'entends qui s'approche. Il s'immobilise, attentif à ne pas marcher dans la flaque de sang. « Alors il est mort, » constate-t-il froidement. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Que Sawana était cachée dans le camping-car et qu'on pouvait prendre tout l'argent qu'on voulait pourvu qu'on s'occupe d'elle. » « Enfin une bonne nouvelle, » siffle-t-il avec un sourire déplaisant. « Les dernières volontés d'un mourant sont sacrées. Si on fichait le camp d'ici, on n'a plus rien à branler dans ce foutoir. Ils sont tous morts. Gary les a égorgés l'un après l'autre. Finch comme ses copains. »